Mes amis sont loyaux, de l'oseille des joyaux, hayo. J'suis noyau dur, j'ai mouillé le maillot, oh maman ayo, apporte maillot. Oh one, j'commande une bavette dans l'oyau, hey. C'est le boutin sur le tableau de bord. Les mecs qui la regardent ont foncé dans le mur. Des yeux de fou, une chevelure de malata. Ils ont fils de pute, j'suis dans le futur. Allez nique moquin, haleine de bouquin. On a ces carillots, comptable et avocat. Une paire de aucun, un choix de marocain. J'vais tous les baiser, roya. J'suis dans mon harcan, 11-43, se pend devant toi. Le canon s'allume à midi 43. T'es 40 toi, même. Sache mon petit que ne bastos dans le cul, ça rend droit. Les keufs enquête, semaine, week-end. La weed américaine, me ken, massage pocket. J'suis avec Jules, on les encule. Mitard sous la canicule, même la BRB, jamais. Nous manipule, petit fils de poteau, tu me sors le couteau. Le point en jus laser visera pas le poteau. Ramène une photo, poteau. Si c'est de la frappe, je repasserai en moto. Là c'est la zone, ouais. C'est la rue en personne, ouais. Je compte pas quand je donne, ouais. Et y'a personne qui m'y donne, ouais. On t'a le Mexico, ouais. On prend pas la coco, ouais. On brûle tous dans le vito, ouais. On va te lever poteau, ouais. La queue, ouais. Tu vois ta vraie, un drapeau, tu veux les hauts clés dans la Audi. J'me camoufle avec la petite. Allez, psh, psh, respire la fumée du shit shit et chut chut. Ferme ton cul quand tu vois les schmitt schmitt. Beaucoup disaient que j'allais pas tenir. 6 ans que j'ai percé, il me reste peu de partenaires. J'prends la pute avec ton pote à l'avenir. En rentrant, tu pourrais voir des mecs à gouler dans le partenaire. À la base, j'suis pas talent au mix. Tu sais même pas le smic, smic, smic. Là, j'suis connu, c'est magnifique. J'galérais avec tic tic. C'est que ça parle pas ching chong. La crime joule, c'est cric cric. Balle dans ta tête, balle dans ta tête, balle dans ta tête. La machine est dans la zone, j'assassine sur la scène. J'fais des sommes, je les saigne, j'ai les chromes sales. Bientôt irai le sol, s'il faut, j'fais tout seul. De moi, je m'isole. Et j'fais du plata poteau, que du sale. J'ai la mentale à l'ancienne que j'écris. J'suis posé devant la piscine. Pas de yacht, non, pas d'hélico. Ça pas changé, tête de Corsico, traîne avec Bico. Mental Mexico, Marseille et Parigo. On a les gros, les petits font les grandes. Puis Pequeño, c'est fait Mareco. Hein? C'est l'OVNI. Là, c'est la zone. Ouais. C'est la rue en personne. Je compte pas quand je donne, ouais. Et y'a personne qui m'y donne, ouais. On t'a le Mexico, ouais. On prend pas la.